Cours numéro 18. On a cumulé. قال الشيخ سعدي والصالحون أيضا يتبرؤون من أن يدعوا لأنفسهم حقا من حقوق ربهم الخاصة كما قال الله عن عيسى سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وهذا سنتنبه طيب أن الصالحين من باب أولى أو منهم وعلى رأسهم الأنبياء والرسل يتبرؤون إذا أكسبت بس تكزاجراسيون أبدا. Et tu as un exemple, في عيسى سبحانك قال عليه الصلاة والسلام. Et il n'accepte pas l'exagération que هؤلاء الضلال من النصارى يفون envers lui. قال واعلم أن الحقوق ثلاثة حق خاص لله لا يشارك فيه مشارك وهو التأله له وعبادته وحده لا شريك له والرغبة والإنابة إليه حبا وخوفا ورجاء. الحقوق en trois catégories. Les droits, tu as trois catégories. Le premier, c'est A'adam al-Huquq, c'est Haqqullah, et on n'a pas le droit d'associer dans ce Haqq un autre avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Haqqul ibadah, c'est Tawhid. Hada taqaddam ma'ana dans les premiers chapitres. Qal wa haqqun khas lil rusul wa huwa tawqiruhum wa tabjiluhum wa al-qiyam bi huquqihim al-khassa. Deuxième Haqq, khassun lil rusul. On doit les aimer plus que les autres. Et on doit les suivre. Notre prophète, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On doit le suivre. On n'a pas le droit de faire passer la parole d'un autre avec sa parole. On n'a pas le droit de mettre un savant autre au même niveau que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et son qawl, c'est une hujja, c'est une preuve. Abadan. Hada, c'est un haqq khas bi ar-rusul. Qal wa haqqun mushtarikun wa huwa al-iman billah wa rusuli wa rusulihi wa ta'atullah. نعم قال وحق المشترك نعم وهو الإيمان بالله ورسله وطاعة الله ورسله ومحبة الله ومحبة رسله ولكن هذا لله أصلا وللرسل تبعا لحق الله تعالى نعم أي أنام الله أنام لمساجي on doit obéir à Allah on doit obéir au messager. هذا لا شك سان حق مشترك لكن كما قال الأصل c'est l'Allah Azza wa Jalla. Et on aime ces messagers, l'Allah Azza wa Jalla. Par rapport à Allah, c'est Allah qui nous a ordonné de les aimer. On suit ces messagers, l'Anna, c'est Allah qui nous a ordonné de les suivre et de leur obéir. قال فأهل الحق يعرفون الفرقان بين هذه الحقوق الثلاثة فيقومون بعبودية الله وإخلاص الدين له ويقومون بحق رسله وأوليائه على اختلاف منازلهم ومراتبهم والله أعلم. هذا هو شأن الموفق. Celui qui donne du temps au علم et qui veut connaître le حق. À chacun il donne son حق et il ne mélange pas. Et il ne mélange pas. Celui qui mélange في هذه الأمور فإما عياد بالله il tombera dans l'extrémité de l'exagération et il élèvera un مخلوق au-dessus de sa place. إما عياد بالله il tombera dans l'autre extrême et ربما il ne donne pas le حق. Ah, هؤلاء الرسول والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو العلماء أو الغوفرنور أو الأبارون عياذا بالله يكون من الأشقياء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد تقدم معنا في درسنا الأخير بابا مهما فما هو تفضل. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم وغلو بصالحهم. أحسنت. هذا الباب بين رحمة الله عليه أن سبب كفر بني آدم أي من أعظم الأسباب parmi les plus grandes causes qui a fait sortir un nas min al-din, min al-islam, iyadun billah, min al-iman, min a'zam al-asbab, c'est l'exagération, al-ghulu, fi al-salihin. Wa ma ma'na al-ghulu? Faddal? Mujawazatu al-had, hada huwa al-ghulu. Mujawazatu al-had, dépasser les limites. Dans notre sujet, c'est dépasser les limites fi al-salihin. Aïe, يدعوهم من دون الله ويعبدهم من دون الله عز وجل ويرجو منهم النفع ويخاف منهم إلى آخر. Il a cité un verset du Coran et كذلك حديث ابن عباس. Et on lit la suite, les annahu, c'est lié, et inshallah, quand on finira les trois bœufs, si on a le temps, on fera une petite muraja'a. قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده وهذا الباب كما تقدم c'est la suite du précédent. Dans le précédent, il a démontré رحمه الله عليه أن الغلو في الصالحين c'est من الأسباب في الوقوع في الكفر وفي هذا الباب رحمه الله عليه il va citer des adillah pour démontrer que c'est très grave d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala inda qabr rajulin salih même si l'ibada c'est l'illah limadha li anna c'est min al-wasail al-kabira li al-wuku' fi shirk billahi azza wa jal falihada il a conclu at-tarjama qala fa kayfa idha abada ay que dire si il adore le mort c'est très très grave d'adorer dans un endroit où il y a un qabr. Que ce soit au salat, au qira'at al-Qur'an, ou au du'a. Wa taqaddam ma'ana shay'un min dhalik fi bab al-dhabh. Vous vous rappelez, on avait vu bab annahu la yajuz al-dhabh li ghayrillah, et kadhalik un bab annahu la yajuz al-dhabh lillah fi makan yudhbah fihi li ghayrillah. Fahuna, ça ressemble. Qala al-allama Sheikh Salih al-Fawzan hafidahu Allah ta'ala. لما ذكر المؤلف رحمه الله في الباب الذي قبل هذا التحذير من الغلو في الصالحين وأنه سبب لكفر بني آدم وتركهم دينهم ذكر في هذا الباب الغلو في قبورهم لأنه نوع من الغلو فيهم لأن ceux qui adorent الله سبحانه وتعالى dans ces endroits لماذا؟ لأنهم exagèrent كذلك c'est une catégorie d'exagération et في الحقيقة elle pousse à exagérer sur le mort lui-même et à l'adorer عياذا بالله. فلهذا قال الشيخ حفظه الله في الملخص أما النقل السابق من إعانة المستفيد قال حفظه الله في الملخص مناسبة الباب لكتاب التوحيد هي بيان أن عبادة الله عند القبر وسيلة إلى الشرك المنافي للتوحيد لهذا لا يجوز تخصص مثل هذه الأمكنة لعبادة ما كسسوى قراءة القرآن كسسوى الصلاة كسسوى الدعاء هذا يجوز ممسس لله لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الفعل وشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب التوحيد في هذا الباب إلى الستة بعض الأدلة قال رحمه الله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة أي لما هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة quand ils ont fait la première هجرة إلى الحبشة en Afrique en Abyssinie فرأت أم سلمة رضي الله عنها une كنيسة أي une église لماذا لأن أرض الحبشة à cette époque c'était une arde de Nasara, de chrétiens. Enfin, il y avait beaucoup d'églises. Et dans ces églises, il y avait des représentations. فَقَالَ أُولَٰئِكَ وَيَجُوزُ أُولَٰئِكِ أي, si الخطاب لأم سلمة أُولَٰئِكِ وَيَجُوزُ كَذَلِكَ أُولَٰئِكَ الفتح على كل حال. من يريد أن يستفيد أو يريد فوائد في اللغة de ce matin qu'on lit Kitab al-Tawhid Sharh Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi al-qawl al-mufid i'tana bihadha kathiran ahwa mathalan huna ulaika issit annahu yajouz de dire kadalik ulaiki liyanna bi wa'ad al-nusakh ou wa'ad al-mutun tu trouveras une kasra et c'est pas une erreur la yajouz ulaika wa kadalik ulaiki wa Cheikh Ibn Uthaymeen i'tani bi mitla hadha يسيت أحيانا بعض الإعرابات وبعض الفوائد يعتني بالتعاريف فمن حيث اللغة شرح شيخ ابن عثيمين من أفضل الشروح لكتاب التوحيد بس من أفضل الشروح في غير ذلك قال عليه الصلاة والسلام أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وَالصَّوْرُ فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرُ أُولَٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ فَهَؤُلَاء جَمَعُوا بَيْنَ الْفِتْنَتَيْنِ فِتْنَةِ الْقُبُورِ وَفِتْنَةِ التَّمَاثِيلِ عِيَاذًا بِاللَّهِ. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هؤلاء. أُولَٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ. لماذا؟ لأن cet endroit pour l'ibadah, عِيَاذًا بِاللَّهِ, ils ont rassemblé deux fitna fi hadha al makan. Alors que normalement ces endroits c'est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, lakin al nasara harafu. C'est pour ça que tu trouves al kana'is des nasara fiha al shirk wa al kufr wa al ma'asi wa kathir min al mukhalafat. Fa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam hadharana min dhalik. Ulaiki qala alayhi salatu wa salam shirar al khalq 'inda Allah 'azza wa jalla. قال العلامة الشيخ الفوزان حفظه الله كما في الملخص أن فيه الدلالة الواضحة على المنع من عبادة الله عند قبور الصالحين واتخاذها مساجد, لأن ذلك من فعل النصارى ومن فعله فهو من شرار الخلق. Est-ce que c'est خاص pour النصارى هذا الحكم؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم إلى cité النصارى هنا, أو plutôt إلى cité هذا الحكم. لماذا؟ لأن أم سلمة رضي الله عنها لا rapporté أنها لا vu ça عند النصارى, وإلا celui qui fait هذا الفعل فإلى le même حكم. فلهذا لا يجوز de enterrer واحد في المسجد أو d'exagérer et d'accrocher des représentations في المسجد أو في غير المسجد. Tout ça c'est très très grave. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك, بل من أعظم الكبائر. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام أولئك أو أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. قال الشيخ الفوزان حفظه الله في إعانة المستفيد, ولا تزال الأمة الإسلامية تعاني من شر هذه القبور وفتنتها وحدوث الشرك في الأمة إلى يومنا هذا. أن الست فتنة أي الغلو في الصالحين والغلو في قبورهم et l'exagération dans l'embellissement des tombes, dans la construction. بل يا بعض البلدان faire rentrer la tombe de tel mort dans un مسجد وعياذ بالله يطاف بقبره ويدعى من دون الله يعبد من دون الله يذبح له. ça c'est une fitna كبيرة دخلت على الأمة. ça montre أنه c'est pas خاص بالنصارى, بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كثيرا من هذه الأمة يسبقون اليهود والنصارى, لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم, أي فسبق اليهود والنصارى بأبا. أو في الحديث اليوم الماضي اليهود والنصارى, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أي سبيت كيسي با اليهود والنصارى, أي vous les suivrez pas à pas حتى s'ils rentrent dans un trou de lézard, فvous les suivrez. Et parmi les choses dont بعض المسلمين عياذا بالله ils ont suivi اليهود والنصارى الغلو في الصالحين. قال الذي لا يقره من يؤمن بالله ورسوله, ولا شك أن celui qui croit Allah سبحانه وتعالى et en son messager صلى الله عليه وسلم il accepte pas هذا الغلو وهذا الشرك بالله عز وجل. قال لأنه شرك صراح أصبحت هذه المساجد المبنية على القبور أوثانا تعبد من دون الله ويظن أصحابها أن ذلك من الإسلام. هذه المصيبة أن هذه القبور كما قال الشيخ حفظه الله, وكذلك سيأتي معنا عن باب après celui-là inshallah, أن هذه القبور صارت أوثانا تعبد من دون الله. ces tombes, ces mausolées, c'est devenu des idoles qui sont adorées en dehors d'Allah عز وجل. والمصيبة أن هؤلاء الخرافيين يظنون أن هذا من الإسلام, بل يظنون أن سكيل فون من الزيارات الشركية والغلو في الصالحين والنذور والذبح والطواف والدعاء لغير الله سبحانه وتعالى, يعتقدون أن هذا من أفضل العبادات. pour eux c'est التقوى, c'est l'iman, بل c'est كمال الإيمان عياذا بالله. alors que ça annule l'islam, Et si c'est une adoration pour autre qu'Allah Azza wa Jalla. قال وأن من أنكره فهو خارج عن الإسلام. Et celui qui met en garde contre eux, ou qui leur montre que c'est interdit, فربما يكفرون. أنه il n'aime pas l'anbiya, أنه il n'aime pas الصالحين, أنه il n'aime pas l'islam, أنه ويكفرون. كالذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. تشبهوا بهؤلاء المشركون. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il aura interdit d'adorer autre qu'Allah, ils ont répondu avec cette réponse. Et on a trouvé nos ancêtres faire telle chose, on fera comme eux. تقليد وعصبية وتعصب. أما المؤمن فيجب عليه اتباع الحق والتجرد له. Et il ne fait rien passer avant le haqq. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il est clair. Qala, ulaika shiraru al-khalq indallah. Et c'est qui haula? Iza mata fihim ar-rajulu salih. Et si un homme pieux, il meurt, indahum, banaw ala qabrihi masjida. Il construit sur sa tombe un masjid. Et un masjid, c'est un endroit où Allah il est adoré. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré c'est les pires des créatures indallah, ceux qui construisent sur les tombes ou qui un lieu de ibadah qu'un masjid, ils font rentrer une tombe et al-muhim, ça devient un lieu d'exagération alors que le lieu à la base c'est pour adorer Allah. Enfin, pourquoi faire rentrer une créature dans ce lieu et exagérer et l'adorer min dunillah? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est les pires. هؤلاء القبوريون يديز لا هؤلاء الطائفة المنصورة عندهم الفرقة الناجية et ceux qui combattent هؤلاء pour eux c'est des أشرار. Alors que le Nabi صلى الله عليه وسلم il a démontré que c'était du char. Leur excuse c'est quoi غالبا? Nos parents ils faisaient. الآن on a les ancêtres qui faisaient et les ancêtres de هؤلاء et on a النبي صلى الله عليه وسلم qui nous a démontré. Enfin, on va choisir قول من et on va suivre فعل من. لكن هؤلاء لا يعقلون. لأن المسألة تلمو واضحة لكن التوفيق سمين الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ الفوزان فهم شرار الخلق وإن كانوا يزعمون في أنفسهم أن ذلك إصلاح وأنهم خير الخلق. Et cette prétention elle leur sera d'aucune utilité après la mort. في الدنيا الآن ça leur est d'aucune utilité لكن بعض الجهال بعض الضعفاء ربما يغترون بهؤلاء. Ils pensent qu'ils sont à la حق إلى آخره. Il y en a dans certains bilads, ils sont beaucoup, ils ont énormément d'argent, ils sont appuyés, aidés. Il a akhir. الناس ربما لضعف الإيمان أو الجهل غلبة الجهل عليهم فربما يظنون أن هؤلاء sont على الشيء. أما عند الله ça leur sert à rien. Même s'ils prétendent أنهم سحق أنهم c'est أفضل الناس إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم il les a qualifiés de شرار الخلق. Autre chose, ça compte pas. Thumma, قال, on répète la parole de Cheikh l'Islam après le hadith. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل. القبور c'est les tombes, et ils ont exagéré envers ces morts et envers leurs tombes. وفتنة التماثيل, أي التماثيل, vous connaissez le mot مثل. Il n'y a rien qui lui ressemble. Tamathil, c'est des représentations. Que ce soit sous forme d'image, ou de statue, ou autre. هذا لا يجوز. بل c'est une fitna عظيمة. وتقدم معنا أن قوم نوح عليه الصلاة والسلام, après la mort de Nuh et après la mort de certains salih, ils ont exagéré, ils les ont représentés. ثم ils sont morts هؤلاء, ثم une génération elle est venue après et ils ont adoré ces représentations et ils ont adoré هؤلاء الصالحين. À cause de quoi? À cause de هذه الفتنة. قال الشيخ الفوزان حفظه الله في إعانة المستفيد فتنة القبور هي الغلو في القبور وتعظيم القبور حتى تتخذ متعبدات. هذه فتنة عظيمة في الأمم السابقة. Ça c'est une fitna énorme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde contre cette fitna quand Salama radiyallahu anha, elle l'a informé anna fi ardi al-habasha, ils exagéraient sur le Qubur. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde. C'est une fitna azim. Fil umam as-sabiqa, déjà dans les peuples qui étaient avant nous, ils étaient tombés dans cette fitna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde, il nous a montré. Al-a'imma kadhalik, il met en garde. Al-muhidoun, il met en garde. On doit faire attention, c'est une fitna azim. Al-qubur, il y a une ziyara shar'iyya, tu peux faire. Lakin, les morts, ils doivent être enterrés dans un endroit à part. Maqbara, et le cimetière. Thumma, al-mu'min yajouzou lah, de visiter les tombes, une ziyara shar'iyya. Amma, dépasser les limites, exagérer, que ça soit dans un cimetière, ou aller plus loin, enterrer wahed dans un masjid, dans un endroit à part, et se déplacer pour le visiter avec cette niya, iyadun billah, annahu, il peut donner, ou c'est un sebeb, tout ça c'est min al-khurafat et c'est très très grave. C'est une fitna azim. Tout ce qui est lié au qubur, c'est une très très grande fitna. قال والفتنة الثانية فتنة التماثيل وهي فتنة قديمة كما في قصة قوم نوح تقدم معنا قال فقوم نوح إنهم وقع الشرك فيهم بسبب نصب التماثيل ووقع الشرك في اليهود بسبب تمثال العجل الذي عمله السامري كذلك cette histoire elle est citée في القرآن أن اليهود عبدوا العجل لماذا لأنهم ils l'ont représenté et عبدوا quand Moussa عليه الصلاة والسلام il est parti quand Moussa il est revenu il les a trouvés أنهم ils adoraient العجل فتنوا بعجل العجل c'est le veau un veau فتنوا به عيادا بالله أما تماثيل الصالحين c'est أشد العلماء الأنبياء الصالحون les représentés C'est très très grave. Les mains d'aller en nas, ils aiment haoula. Et les nas, ils n'ont pas de zawab et de shar'iyya, ils n'ont pas de hudoud. À cause du jihl, à cause des passions, le shaitan, kadalik, ils jouent un rôle. Robama, s'ils voient une représentation d'un salih, tellement qu'ils l'aiment, ils dépassent les limites. Au départ, ils prétendent que c'est par amour, thumma, ils l'adorent, min dounillahi azza wa jalla. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم il a fermé la porte il nous a interdit les représentations il nous a interdit de construire les tombes sur les tombes il nous a interdit de placer une tombe dans un masjid il nous a interdit d'adorer Allah à côté d'une tombe tout ça pour fermer les portes au shirk et c'est ça din jami' al-anbiya amma si tu vois un comble qui exagère dans les tombes ou dans les cimetières et des ziyarat rubbama bid'iyya ou shirkiyya et des choses des ibadat هناك qu'ils ont ouvert cette porte tu verras انهم ينحرفون et le meilleur exemple c'est as-sufiyya ad-dallal et ar-rafida akhzahum Allah فهؤلاء ils ont exagéré sur certaines tombes hatta abaduhum min dunillah azza wa jalla قال ووقع الشرك في النصارى بسبب نصب التماثيل هنا l'exemple هنا قال ونخشى أن يقع الشرك في هذه الأمة بسبب نصب التماثيل للعلماء والعباد والعباد الصالحين هذه فتنة عظيمة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم شيخ الفوزان قال نخشى يرون que الشرك يرنت في هذه الأمة à cause de cette fitna et représenter les savants dans des images des photos ou autres Tout ça, c'est un fait, Habib Shah. On n'a pas besoin de représenter les savants. Que ce soit par photo ou autre. Là, il y a juste déjà, le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, il est interdit. Et il n'y a aucune chose. Al-alim tastavid minhum min ilmi. Tu as besoin, bi'idnillah azzawajal, de son ilm. Enfin, tu profites de son ilm, de ses livres, à notre époque, de ses audios, il a akhiré. Et on n'a pas besoin de sa représentation. Lakin, c'est une fitna. Wa sayati ma'ana, inshaAllah, hada bi tawassu'in akthar fi bab. ما جاء في المصورين الشيخ الإسلام رحمة الله عليه في كتاب توحيد العفو إلى ستان باب في المصورين أي sur les représentations ثم قال رحمه الله ولهما أي الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أي عن عائشة رضي الله عنها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم اتفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجه أي البخاري ومسلم في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم لعن هؤلاء. Il les a maudits. On n'a pas le droit, nous, de les aimer, ayyadan billah, ou de penser qu'ils sont à la haqq. Là, هؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الله سبحانه وتعالى لعنهم في القرآن في غير آية ونبالغ نحن de, كما يقول البعض الآن sous prétexte de tolérance, d'humanité de ne pas les détester de ne pas les maudire هذا ça contredit les textes ils sont clairs لكن بعض الناس عياذا بالله à cause de الهوى كذلك à cause de d'un marad dans le cœur, ou ba'dhum c'est du nifaq, ils appellent à se rapprocher, à se mélanger, à aimer ha'oula. Alors que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est afdal al-nas. C'était arham al-nas bi al-mu'minin alayhi salatu wa sallam. On n'a pas le droit, nous, de prétendre anna la tolérance ila akhri et de aimer ha'oula ou appeler à les aimer. Mal'ounoun. Fa ala al-mu'minin jami'an, تحقيق هذه العقيدة الولا والبراء أي حب المؤمنين وبغض الكافرين اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في الملخص أي المناسبة أن فيه المنع من عبادة الله عند قبور الأنبياء واتخاذها مساجد لأنه يفضي إلى الشرك بالله نعم الحديث هذا واضح لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد هنا بالله ونحن القبور والمساجد لا تجتمع هذا رجل في دين الله عز وجل المسجد أي c'est un endroit réservé pour l'adoration d'Allah سبحانه وتعالى الصلوات وقراءة القرآن والعلم etc. ça ne se rassemble pas avec les tombes avec une tombe أبدا. C'est pour ça que dans l'islam, on a un endroit khas pour enterrer les morts, al-maqbara, le cimetière, et on a cet endroit, al-masjid, qui est réservé pour as-salawat, wa khutbat al-jumu'a, wa les durus ila akhir. Ça ne veut pas dire que c'est que dans cet endroit qu'on adore Allah. Là, lakin cet endroit, il est réservé pour ça. Amma al-mu'min, il adore Allah subhanahu wa ta'ala, ala kulli hal. Donc, en résumé, et il faut bien le retenir, ça ne se rassemble pas. Qabr ou masjid. Là. Hatta le musulman, quand il meurt et son corps, on l'emmène au masjid pour faire salat, mais on a l'afdal, c'est de faire un salat fi musalla, à côté de le maqbara, siya. Ou illa si après on a le droit d'emmener son corps fil masjid, on fait salat sur lui, thumma, on le sort du masjid. Alors, les quand ils ont mélangé ces deux points, al-qubur ba al-masajid, ça a ouvert une fitna azima. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى لأنهم ils ont pas fait cette différence ils sont tombés في الكفر والشرك قال شيخ الفوزان حفظه الله أو قرأناه فإذا معنى اتخاذ القبور مساجد et ça c'est important لأن depuis le début du dars et on cite ce point قول النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد et dans le premier hadith بنوا على قبره مسجد qu'est-ce que ça veut dire prendre un qabr en tant que masjid اتخاذ القبور مساجد قال شيخ العثيمين رحمة الله عليه كما في القول المفيد اتخاذ القبور مساجد له معنى deux sens pour comprendre أي, ça veut dire quoi prendre un qabr en tant que masjid أولا أن تبنى عليها مساجد et ça c'est clair فمثلا un صالح comme il l'appelle il est enterré dans tel endroit فهم يكونستروزوا تومب دون سيت اندرو ثم او يكونستروزوا مسجد دون سيت اندرو ثم سيت تومب ات سو ريتروف على انتيريور دو مسجد اما او ميليو اما دوفون اما ديرير المهم على الانتيريور دو مسجد فلا تومب ال ايتي ان برومي ثم ايزون كونستروي لا تومب ايزون كونستروي المسجد فهذا لا يجوز اون ا با لو ان اندرو او كيا دي تومب اون ا با لو دو كونستروي ان مسجد اون كونستروي ان مسجد دون ان اوتر اندرو فكونستروي ان مسجد sur une tombe, donc la tombe elle sera à l'intérieur du masjid, هذا لا يجوز. C'est من فعل اليهود والنصارى. هذا أولا. Deuxièmement, أن تتخذ مكانا للصلاة عندها وإن لم يبنى المسجد. Deuxièmement, adorer Allah subhanahu wa ta'ala à côté de cette tombe, même si c'est pas construit. C'est quand même prendre cette tombe en tant que masjid. Limada, li'anna al-masjid, ça vient de sujoud. Al-masjid, c'est un endroit où on fait sujoud, ay as-salat. Enfin, chaque endroit, fil haqiqa, que tu fais, où tu fais salat, min hayth at-tasmiya ou min hayth al-lugha, c'est un masjid. Et cet endroit, il a été pris pour faire as-salat. À la kulli hal, tu déduis de ces deux points un à construire sur la tombe une mosquée, la yajouz. Et même si dans cette mosquée ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une wasila min wasa'il al-shirk, ça peut pousser à faire du shirk, ça c'est haram. Thaniyan, adorer Allah à côté d'une tombe ou dans un cimetière et faire des salawat et qira'at al-Qur'an ila akhirih, kadhalik la yajouz. Limadha li'anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam naha an dhalik. اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. On n'a pas le droit de prendre les tombes de notre prophète ou de nos prophètes et de nos hommes pieux, de nos savants en tant que masjid, que ça soit construire ou faire des ibadat à côté de ces tombes. قال شيخ العثيمين رحمه الله فاذا كان هؤلاء القوم مثلا يذهبون الى هذا القبر ويصلون عنده ويتخذونه مصلى الى اخره فهذا ça devient comme un masjid. Donc c'est interdit. مثلا بعض الناس tel jour ils vont au cimetière ou visiter le qabr de un tel et ils font des salat ou ils lisent le Coran ou غير ذلك, tout ça c'est haram. S'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala, c'est haram. لان النبي صلى الله عليه وسلم nous a interdit cette manière. اما s'ils adorent le mort, هذا لا الشرك أنه سيد الشرك أكبر. فلهذا قال شيخ الإسلام فكيف إذا عبده, أي كيف سيلا دغل مغ لمن إشكال. قد يقول قائل أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلي في المسجد الآن, هذه شبهة يروجها الخرافيون pour prouver أن ce qu'ils font c'est مشروع. Et ça c'est شأن أهل الباطل والأهواء, أنهم يرغب في tel endroit أو tel شخص أنه يفعل مثلا dans tel pays font أو un tel يفعل. Et ça c'est pas des حجج. الحجة c'est قال الله قال الرسول. لكن هنا on peut se demander c'est قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس ربما ils ont du mal à comprendre. On cite deux paroles, une de Cheikh Al-Albani, une de Cheikh Al-Uthaymin pour clarifier هذا بإذن الله عز وجل. قال الإمام الألباني رحمه الله في كتابه النافع تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. Ça c'est une référence في هذا الباب. C'est une risale qui est assez courte et il l'a écrit sur ce sujet رحمة الله عليه. الإمام الألباني il donnait beaucoup d'importance au tawhid. C'est من أئمة هذا العلم التوحيد à notre époque. Et il a écrit cette risale تحذير الساجد. الساجد c'est celui qui fait السجود. أي المصلي المسلم. Il met en garde les musulmans من اتخاذ القبور مساجد. أي de prendre les tombes comme masjid. C'est exactement notre sujet. Celui qui veut التوسع في هذه المسألة et des أحاديث أقوال الأئمة إلى آخره فيقرأ هذه الرسالة. قال العلامة الحافظ محمد ابن عبد الهادي في الصارم المنكي. Il rapporte la parole d'Ibn Abd al-Hadi, min talamid, Sheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, alayhim rahmatullah. Wa innama dakhalat, ou udkhilat al-hujra. Al-hujra, vous connaissez peut-être le pluriel, al-hujurat, surat al-hujurat. Al-hujra, c'est l'appartement. Aïe, huna, al-maqsoud, l'appartement de Aisha, radiyallahu anha. Limada? Lianna al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a été enterré dans hujra d'Aisha, radiyallahu anha. Il est mort, alayhi salatu wassalam, dans la chambre de Aïcha, un petit appartement. C'est ibar, une chambre. Et il a été enterré à l'endroit où il est mort, alayhi salatu wassalam. Et le masjid, il était à côté. Donc à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le masjid, il était à tel endroit, et la chambre, ou l'appartement de Aïcha, il était à côté. Lakin, ba'd, قال وإنما أدخلت الحجرة في المسجد في خلافة الوليد ابن عبد الملك. Après la mort du prophète صلى الله عليه وسلم, après la génération des sahaba رضي الله عنهم, الوليد ابن عبد الملك من الأمراء, c'était un gouverneur, il a décidé de ragrandir le masjid. Et il a ragrandi le masjid de plusieurs côtés Et parmi ses côtés, où qu'il y avait l'appartement de Aïcha radiallahu anha. Il y avait la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam dedans. Donc il l'a ragrandi. Donc le qabr du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir de ce moment, il était dans un côté du masjid. Il était plus séparé directement. Lakin sayati al-tafsil. Qala al-imam al-albani rahimahullah. Yatabayyin lana mimma awradna anna al-qabr al-sharif. أي لعطون بخوفة صلى الله عليه وسلم إنما أدخل إلى المسجد النبوي حين لم يكن في المدينة أحد من الصحابة رضي الله عنهم وأن ذلك كان على خلاف غرضهم ولا شك هذا الصحابة رضي الله عنهم ils ont entendu, ils ont écouté ces hadiths du prophète صلى الله عليه وسلم et ils savaient que c'était interdit à هذا الشيء. هذا ça s'est fait donc après leur mort عليهم رضوان الله. قال حين دفنوه في حجرته صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لمسلم بعد أن عرف هذه الحقيقة أن يحتج بما وقع بعد الصحابة لأنه مخالف للأدلة للأحاديث الصحيحة وما فهم الصحابة والأئمة منهم أو منها أي من الأمة. On n'a pas le droit de prendre comme hujja le fi'l de ce amir عليه رحمة الله الوليد بن عبد الملك et de dire que c'est permis de faire rentrer une tombe dans un masjid ou de construire un masjid sur une tombe. Hada la yajouz. Et à l'époque du prophète sallam, c'était pas comme ça. Et sahaba radiyallahu anhum, c'est eux qui ont compris le mieux ces hadiths et la religion dans l'ensemble, c'est eux qui l'ont mieux comprise que nous. Hada la yajouz de se baser sur ceux qui sont venus après. Hada awwalan. Donc à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tombe elle était dans l'appartement d'Aïcha et le masjid c'était à côté. قال الشيخ العثيمين رحمه الله هذه المسألة pour bien la comprendre il faut la traiter أولا le départ le قبر il était où le masjid il était où ثم qui sait qui a fait qui a ragrandi le masjid حتى le قبر il s'est retrouvé à l'intérieur du masjid. Dès que tu as compris هذا ثم tu lis كلام أهل العلم et ils vont t'expliquer pourquoi c'est pas une حجه et pourquoi c'est pas un دليل هذا الفعل. فقال شيخ العثيمين عليه رحمة الله فإن قال قائل نحن الآن واقعون في مشكلة بالنسبة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن فإنه وسط المسجد فما هو الجواب؟ قال قلنا الجواب على ذلك من وجوه إلى ستة رحمة الله عليه كتبون تغيبون على ست شبهة. أولا أن المسجد لم يبنى على القبر بل بني المسجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. Et vous avez vu la différence. Le masjid, il n'a pas été construit sur la tombe. Là, le masjid, il a été construit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thumma Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est mort et il a été enterré à côté. Contrairement à ce qu'ils font, haoula al-an, al-khuraviyoun, annahum, les ta'zim, hadha al-mayyit fi quloubihim, ils construisent au-dessus de sa tombe. Hatta ça devient un endroit pour l'ibada, que ça soit un masjid comme on connaît nahnu, ou que ça soit quatre murs et ils font des ibadats dedans. Et même s'ils l'appellent pas masjid, c'est un endroit annahum ya'buduna fihi ghayra Allah, s'ils adorent la tombe. Donc vous avez vu la différence. Hada awwalan, thaniyan, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lam yudfan fi al-masjid hatta yuqal inna hadha min dafn as-salihin fi al-masjid bal dufina fi baytihi. Le premier point, c'est sur la construction du masjid. Donc le masjid, il a été construit dans un endroit où il n'y avait pas de tombe. Ni la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni autre. Deuxième point, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été enterré dans le masjid. Léana, tu as deux cas, on a dit. Et tikhal qubur masajid. Imma, tu construis le masjid sur la tombe. Imma, tu fais rentrer une tombe dans un masjid. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été enterré, il n'a pas été enterré dans le masjid. Là, il a été enterré dans l'appartement d'Aïcha radiyallahu anha. Et la choc, l'appartement d'Aïcha, radiyallahu anha, c'était pas le masjid. L'anna Aïcha, elle vivait dedans. Fahada, huwa al-wajh al-thani. Al-thalith, anna idkhal buyut al-rasul sallallahu alayhi wa sallam, wa minha bayt Aïcha, radiyallahu anha, ma'a al-masjid, laysa bittifaq min al-sahaba. Bal, taqaddam ma'ana, qawl ibn Abdel Hadi, rahmatullah alayhi, anna aucun sahabi, il était d'accord avec hada al-shay. Bal, al-sahaba, ils étaient pas présents, aktharuhum. Ils étaient déjà morts, radiyallahu anhum. Donc, هذا الفعل, le masjid, il a été agrandi. Et cet agrandissement, Ça a été كذلك du côté de l'appartement de Aïcha radiyallahu anha. Donc cet endroit, ils l'ont fait rentrer fil masjid. Hada c'est pas min fi'l an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. An-nabi sallallahu alayhi wa sallam il a jamais dit de faire cela. As-sahaba radiyallahu anhum, ils ont jamais accepté hada ou ils l'auraient jamais accepté. Donc pourquoi prendre hada comme une hujja? Nahnu très simplement on répond, c'est une erreur de la part de celui qui a pris cette décision, wantahayna. Amma le prendre comme hujja et on a le droit de construire sur les tombes, hada c'est batil. Qala Cheikh Al-Uthaymeen وممن خالف أيضا سعيد بن المسيب من التابعين فلم يرضى بهذا العمل نحن سيسان البوزيسيون سيكم سعيد رضي الله عنه ورحمه الله من أئمة التابعين et il était vivant à cette époque et il était بالمدينة il a pas accepté هذا لكن ما عسى يفعل الأمير il a pris cette décision فهو il montre أو il a montré ou غيره ils ont montré ثم celui qui a pris cette décision ف حسابه على الله أما نحن فلم نرضى بذلك لكن قدر الله وما شاء ولعل سي إن فتنة pour les gens بعض الناس ils vont s'accrocher à هذا et ils vont dire regardez النبي صلى الله عليه وسلم lui-même il est enterré et ils ont oublié أن النبي صلى الله عليه وسلم on doit le suivre في أفعاله وأقواله وكذلك quand il accepte une chose إقراره على الشيء أما le فعل d'un autre لأن ça c'est le fi'l d'un autre, c'est un autre qui a pris la décision de raccourcir le masjid. فهذا c'est pas min sunnat النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. لكن vous avez vu la chouba, vu que c'est la tombe du prophète صلى الله عليه وسلم, ils ont pensé que on avait le droit. رابعا أن القبر ليس في المسجد حتى بعد إدخاله لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد. وهذا التنبيه اللي مهم. C'est pour ça que je vous avais dit la question ne pas comprendre أن القبر il est في وسط المسجد. Là, le qabr, il est sur un côté. C'est pour ça que tu ne peux pas faire salat en direction de la tombe. Kadhalik, tu ne peux pas te rapprocher de la tombe ou tourner autour de la tombe. Alhamdulillah, personne ne peut approcher. Ils ont mis des murs. Et l'un, il est ibara un fi zawiya sur un côté. Amma, ce qu'ils font, haoula, al-mushrikoun, al-khurafiyoun, ba'duhum, ils mettent le qabr au milieu du masjid. Et ils font tawaf autour, ils font salat en direction du qabr, ils font du'a ila akhirah. Bah, c'est incomparable, fil haqiqa. Qala hatta ba'd idkhalihi li'annahu fi hujratin mustaqilla 'an al-masjid, fa laysa al-masjid mabniyan 'alayh. Wa li hadha ju'ila hadha al-makan mahfoudan wa muhawwatan bi thalathati judran. Ils ont séparé le qabr avec trois murs. بحيث لا يستقبله الإنسان إذا صلى لأنه منصرف صحيح ceux qui ont déjà été في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم tu peux pas faire salat en direction du qabr quand tu rentres tu vois qu'il est sur le côté l'endroit où il y a le qabr tu vois que c'est sur le côté et dès que tu rentres ثم dès que tu rentres au masjid la direction de la qibla tu peux pas faire salat en direction du qabr quand tu es dans le masjid نعم فهذا tu peux pas ولله الحمد قال فبهذا كله يزول الإشكال الذي يحتج به أهل القبور انتهى من القول المفيد والإمام ابن القيم رحمه الله قال في النونية فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح إلى في سدعة يا الله إلى دموض الله سبحانه وتعالى que sa tombe ne soit pas adorée en dehors d'Allah عز وجل ابن القيم رحمه الله قال فأجاب رب العالمين دعاءه الله il a exaucé son دعاء وأحاطه بثلاثة الجدران et il a entouré de trois murs حتى personne l'adore من دون الله ودولة السعودية à notre époque ولله الحمد اعتنوا بهذا الأمر Ils empêchent les gens d'invoquer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam quand ils se rapprochent de sa tombe. Un wahid qui se met à l'extérieur en direction de la tombe, il fait un sujoud. Tout ça, walillahil hamd, et yamna'oun, et montrent aux gens. فَنَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَنْ يُوَفِّقَهُمْ لِكُلِّ خَيْرٍ وَهَذَا مَا يَتَعَلَّقُ Cette shubha, c'était important de la citer, les annas, c'est lié avec notre bab. ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلِمُسْلِمْ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك الحديث إلى في صحيح مسلم. قال شيخ الإسلام فقد نهى عنه وهو في آخر حياته كما تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه أي c'était la maladie de sa mort عليه الصلاة والسلام. Et ça, ça nous montre l'importance que le Nabi صلى الله عليه وسلم a donné à ce sujet. لأن الميت avant de mourir il va conseiller ou mettre en garde contre des choses importantes. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il savait qu'à ce moment, al-Sahaba, il l'écoutait. Et le kalam qu'il allait dire, il allait être très très important. Enfin, il a choisi de mettre en garde contre cette fitna. Ça nous montre, hada, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a donné de l'importance à ce sujet. Et il a mis en garde contre hada al-fitna. Enfin, atwa' un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kadhalik. Qala, ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد كما قال شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه الصلاة عند القبر c'est prendre ce قبر en tant que مسجد même si le قبر il est dans un endroit où il n'y a pas de مسجد il n'y a pas de mur. قال وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا أي مكان للعبادة فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت للأرض مسجدا وطهورا الحديث في الصحيحين جعلت للأرض مسجدا وطهورا. هذا الحديث يمنطق أن المسجد dans le sens plus large c'est un endroit où qu'on fait الصلاة où qu'on fait السجود qu'il soit construit ou qu'il soit pas construit. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت للأرض مسجدا وطهورا. Et ça c'est من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم خصائص هذه الأمة أنهم ils peuvent faire الصلاة في المسجد أو en dehors du مسجد. أما الصلاة pour les hommes إلى آخره c'est obligatoire لكن t'as le droit de faire الصلاة en dehors du مسجد dans certains cas il a akhir. Et celui qui fait salat en dehors du masjid, sa salat, la shak, elle est sahiha. Et s'il a délaissé le jama'a, il est athim. C'est un autre sujet. Lakin pour vous démontrer un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé l'endroit où on fait salat, masjid. Même s'il n'est pas construit. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ju'ilat lil-ard. Amma, fil umam al-sabiqa, ils n'avaient pas le droit de faire salat que dans des endroits réservés. Amma, autre, la yajouz, ce n'était pas accepté. Hada, c'est min khasa'is. النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة. قال ولي أحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد رواه أبو حاتم في صحيحه. الحديث كما قال في مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في تحذير الساجد la risala qu'on a cité précédemment Cheikh Al-Albani l'a hassan وكذلك الإمام مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله l'a hassan في صحيح المسند. قال Cheikh Al-Fawzan حفظه الله حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال عن مناسبته للباب أن فيه النهي عن اتخاذ القبور أمكنة للعبادة لأنه وسيلة إلى الشرك كما تفعل اليهود والنصارى وغيرهم من أهل البدع. Donc on n'a pas le droit d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala عند القبور. De prendre ces endroits pour adoration. Et croire que c'est mieux d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans ces endroits, لا شك أنه سمن البدع ومن المحدثات. أما adorer le meyyit فتقدم معنا أنه سمن الشرك بالله عز وجل. وكذلك حديث ابن مسعود نفس المناسبة. قال شيخ الفوزان في المرخص حفظه الله فيه التحذير من اتخاذ القبور مساجد يصلى في ساحتها ويتبرك بها لأنه ذريعة إلى الشرك. إيه نعم. Mais s'il pense que c'est mieux, ou yatabarrak biha, il pense que c'est des asbabs, tout ça c'est min ash-shirk al-asghar kama taqaddam. Mais s'il pense, ou plutôt sa niya, c'est de faire salat, de se rapprocher du mort, iyadan billah, hada c'est min ash-shirk al-akbar, al-mukhrij 'an al-millah. Sharh al-Sheikh Sa'di rahimahullah, on le lira dans le prochain dars avec le bab suivant. Lianna c'est lié. Sheikh Sa'di rahimahullah, il n'a pas expliqué le bab suivant, les Anna, il a expliqué les deux abwab. Celui qu'on vient de lire et le suivant, Inch'Allah, on lira son kalam, ça nous fera réviser, et on lira le bab Maja'a anna al-ghulu fi qubur as-salihin yusayyiruha awthanan tu'bad min dunillah wa billahi at-tawfiq. Naktafi bi hadha al-qadr, et on passe à notre dars suivant, bi'idnillah azza wa jalla.